En direct du cerveau de Mathieu Plante, voici Écoutons-la donc, la chanson. Bonjour et bienvenue à Écoutons-la donc la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur /, méga vedette de C'est fou. Chaque semaine, je passe 2 heures avec vous là, pour vous faire entrer dans mon cerveau, passer de la bonne musique, parler de choses qui m'intéressent, des trucs comme ça. D'habitude, il y a ma conscience qui est avec moi pour me divertir, mais cette semaine, ma conscience a décidé de prendre un matin de congé, dirais-je. Donc, c'est moi tout seul qui vous accompagne en musique et en bonheur. Oui. Dans le premier bloc, qui a commencé, en fait, avec une musique de Noël. Une chanson, une tune de Noël, comme on dirait. C'était Noël avec Robert Lavoie, le Cat Cat Band. C'est un album qu'on a reçu l'année dernière à Noël, qui m'avait marqué parce que je trouve ça bon, moi, du Cat Cat Cat Skibibou. On a écouté la pièce Cour, Rudolph, Cour. On entendra peut-être d'autres musiques de Noël plus tard pour me mettre dans l'ambiance, parce que, tu sais, jamais trop de bonheur, hein, comme on dit. Enfin, moi, je trouve que ça devrait commencer le jour après le Thanksgiving américain. Ça, c'est vendredi qui s'en vient cette semaine. Ça s'en vient, tu sais, on se met dedans. Donc, il va y avoir dans ce bloc-là du Avec Podcast, hein, qui est bien, je commence à m'habituer. Je trouvais ça un petit peu trop relax au départ, mais vous allez voir, on s'habitue. Ariel, c'est une police de Windows. Ariel, avec leur EP éponyme, leur maxi, on va écouter la pièce chargée, c'est ce qui commence tout de suite. Écoutons-la donc, la chanson au 89 minutes. Avant qu'une autre lui succède, comme au premier sang. La même quête d'une cible m'obsède, comme une balle perdue dans le temps. tête, je vais dans la nature. Avec Podcast qui est dans la nature, de leur album Dans la nature jusqu'au cou. Justement, c'était Ariel avec Chargé de leur maxi Ariel. C'était bon, hein? C'était du francophone qui n'est pas encore dans le palmarès, mais c'est plus que j'aimerais ça entendre dans le palmarès. Surtout Ariel, je trouve que ça fait très palme. Un jour peut-être. On continue avec un bloc de musique francophone qui est dans le palmarès en ce moment. On va entendre les Winter Myths avec leur album Heirloom. Il va aussi y avoir du Automélodie avec Buanderie Jazz, mais on débute avec Carquois. Voici Le Compteur. Tout de suite. Écoutons-la donc, la chanson, sur les ondes de la Radio Campus de Trois-Rivières. C'est fou, 89.1 FM. Et allez télécharger la balado-diffusion sur lunechance.com. Vous pouvez aussi retrouver tous les artistes et toutes les pièces qui jouent dans l'émission là-dessus. www.lunechance.com. Je sens que le temps passe sur ce qui m'entoure, plus que sur moi-même. Les vieux au poids lourd, moi je ne vois rien, inconscient de courir sur les mers. Déjà plongera demain. Sans savoir que là avance.

Oui, tu... En avion, New York et Paris, on arrive. Wintermits avec En avion de leur album Heirloom. Juste avant, c'était Automélody avec Buanderie Jazz, un simple. Et avant ça, c'était Carquois avec la pièce Le Compteur. Vous êtes à écouter dans la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, toujours. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour savoir qu'est-ce que je joue à l'émission d'aujourd'hui, pour télécharger la balado-diffusion. C'est aussi là que vous allez retrouver mes autres émissions. Hein, on parle du poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales tous ensemble les vendredis matins à 10h et les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir les vendredis soirs à 17h. Dans le prochain bloc, il va être complètement anglophone. Il va y avoir de la bonne musique. De la très bonne musique. Je regarde ça, il va y avoir du hot heat. Hein? Du hot heat. Mais avant ça, voici Beck et Naja. Tout de suite, ça écoute la dernière chanson au 89.fm. C'est fou ça! I'm a C6 sailor on a ship of noise. I got my maps all backwards and my instincts poisoned, and a truth blown gutter full of wasted years. Light blown out, speakers ringing in my ears. I was nausea, oh nausea, and we're gone. It's nausea, oh nausea. Straight line walker with a blackout boom. I push a shopping cart over in an Aztec room with my many and

c'est fou comment... Des fois, on a des artistes préférés, puis des fois, on arrête de les écouter pendant une longue période de temps, et puis on se dit, il me semble que ça me manque d'entendre ça, puis là, t'arrives, tu n'écoutes, puis ah, wow! Tu sais, je capote. C'est ce qui m'arrive avec le Hot Hot Heat et leur album Make Up The Breakdown. Puis ce qu'on vient d'entendre s'appelle Naked In The City Again. J'ai envie d'aller entendre une deuxième pièce. On va entendre Bandages, une des pièces que j'aime le plus sur l'album. Et après ça, il va y avoir deux pièces francophones. On va entendre du 011 avec un nouveau single qu'on a reçu il y a quelques semaines. On reçoit tout le temps des pièces de 011. Jamais vraiment d'album, donc ça me surprend. Mais bon, c'est toujours bien. Toujours très bonne leur pièce. Entre les deux, il va y avoir Elephantine avec un de leurs classiques de nos palmarès. C'est en attente d'un moment présent. Mais tout de suite, voici Hot Hot Heat à nouveau. Écoutons l'annonce. La chanson. Au 89 FM, oh, dans vos oreilles, c'est fou ça. Cette émission est aussi disponible en balado-diffusion sur cifou.ca. très belle est important pour nous. S'il vous plaît, gardez la ligne. Ici, je rappelais vendredi. Ici, je rappelais vendredi. Ici, tous nos agents sont présentement vendredi. À des fins de bonification de service, cet appel peut être enregistré. Fantine avec En attente de moment présent. Ici, écoutons dans la chanson. C'est déjà la fin de la première heure de l'émission. On se quitte pour quelques instants pour entendre les nouvelles de Radio-Canada. Dans la deuxième heure, il va y avoir plein de bonne musique. Là, je regarde ça. Il va y avoir du Caïman Fou, du Vanesse Pariétaire, oui, et du Block Party. Donc, restez avec nous pour ça. On termine la première heure avec une pièce de 011. Elle s'appelle Eros et Thanatos. C'est un simple. Et puis, ben, à tantôt. See you later, alligator. Hein? retour, c'est la deuxième heure d'Écoutons la drôle la chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, l'animateur baroblique méga vedette de C'est fou. Je suis là pour vous aider à vous réveiller un petit peu. Hein? Parce que, tu sais, à cette heure-ci, des fois, ça arrive le lundi matin, en tout cas en direct, là, que les gens sont encore fatigués. Puis encore plus le jeudi en reprise, parce qu'on démarre à 9h le jeudi. C'est tôt pour certaines personnes. On commence à se réveiller vers les 11h30, je pense. Hein? Dans le prochain bloc, ça va être un bloc assez varié de palmarès. Oui, il va y avoir du block party, du valse pariétaire et du caïman fou. Parler de choses qui ne fit pas super gros ensemble, mais vous allez voir, ça va vous donner un beau petit une petite piqueur dans le bras. Hein? Il manque de Nutella ce matin pour moi. Écoutons l'ado, la chanson. Écoutons là donc la chanson, c'est l'émission qui vous permet d'entrer dans l'intimité de Mathieu Plante, animateur baroblique méga vedette de C'est fou. Ouais, pas obligé de rire quand même. Cette fois, je te laisse aller. retrograde. My Mercury's in retrograde. Mercury de Block Party. Écoutons dans la chanson. Juste avant, c'était Vanessa Paglietta avec Exil et Caïmon Fou avec Amour Poursuite à débuter le bloc qui était, ma foi, plutôt génial dans mes oreilles. J'ai bien aimé ce bloc-là. Mercury, là, Block Party. Fort, ça. Très, très fort. J'aime ça. J'espère que vous aimez aussi, hein, parce que vous êtes dans l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité, dans ma bubule. Hein, Mathieu Plante, animateur, baroblique vers l'avant, là. Hein, méga-vedette.com de C'est fou. Hein? Ce serait un peu pire nom de domaine, c'est quand même animateur, barbique, mégalette, tradition.com. Hein? Wow, je peux-tu en dire des conneries en 2 heures, moi, hein? En direct tous les lundis matin de 10h à midi. En rappel, les jeudis de 9h à 11h chaque semaine. Chaque semaine. Petite annonce à vous faire, ceux qui ne sont pas encore au courant, vous allez en entendre parler pendant les prochaines semaines, mais le vendredi 19 décembre à 17h, ça va être le gros spécial C'était fou en 2008, où on va faire un condensé des pièces qui ont le plus joué sur les ondes de C'est fou pendant l'année au grand complet. Ça se passe le vendredi 19 décembre à 17h. On continue avec de la bonne musique et ça va être un bloc découverte. Oui, complètement découverte, des choses qui n'ont pas joué très très souvent. En fait, ça joue pas juste dans le poste d'écoute, l'émission que j'anime le vendredi matin, là où on découvre toutes les nouveautés musicales tous ensemble pour la première fois. On va entendre qu'est-ce qu'il va y avoir? Du Bee avec son nouvel album Day by Day, c'est très très bon. Et il va y avoir du Ruby Coast qui a été le poste d'or du poste d'écoute cette semaine avec Projectable Collections. Mais on commence avec deux petites pièces très courtes là. Elles durent 2 minutes et moins chacune, donc on va en jouer deux pour avoir un petit peu plus de contenu à entendre. C'est la formation de Bicycles. Leur album s'appelle Oh No, It's Love. Voici Won't She Be Surprised. Écoutons-la donc, la chanson. In a suitcase from my mom, 5 inch jets and a picture of my son. It won't be long. I'm not sure exactly where I'll stay, so I pack this suit, make dress, and I'm gonna go to the same old song and dance. Meanwhile, my boss moved on to the way to France. If this is really what I'm wrong, I must be strong to take a chance. The cost of life, I'm not afraid of all the people. Visitez les liens mentionnés dans cette émission et pour contacter Mathieu Plante, visitez le www.unechance.com. excellente chansonnette de la part de Dee. C'est la pièce Hot de son tout nouvel album Day by Day qu'on a reçu la semaine dernière ici à C'est Fou et qu'on a entendu en primeur à l'émission Le Poste d'écoute. Les vendredis matins à 10h, on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble. Oui. C'est une belle promotion. Ça. Juste avant, c'était une autre pièce d'un autre groupe qu'on a découvert au poste d'écoute, Ruby Coast, avec More Than Television de l'album Projectable Collections. Et on a débuté avec deux pièces de The Bicycles. Il y avait Won't You Be Surprised et One Twist Too Much de leur album One... Oh no, it's love. Non, c'est le mur. Ouais. C'est ça que ça veut dire. Une chance que je traduis pour vous, sinon vous seriez perdu complètement. Hein? Ouais. Vous êtes à Écoutons la dernière chanson, l'émission qui vous permet d'entrer dans mon intimité. Moi, c'est Mathieu Plante, animateur, / méga, trait d'union vedette de C'est Fou. Le prochain bloc est anglophone et c'est du palmarès. Hein, ça va être bon, ça. Mais avant ça, on va y aller avec un petit peu de francophone. Tu sais. Varier un peu. Question de varier. On va entendre la descente du coude avec une pièce qui n'est plus dans le palmarès. Même plus, si je voulais parler correctement, mais ce n'est pas le cas. Voici Hobbies, tout de suite. Écoutons maintenant la chanson. Ah oui, ah oui. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite ou bien en temps, je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Le secret en secret, des souhaits muets, me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue, le tourbillon de la parole, du sage, universel reportage. Ça va, ça va, ça va, la vérité en marche. En orbite ou bien en top, je suis à l'ordinaire dans I hang my clothes. Oh. Library Voices avec Step of the Map and Float de leur album Hunting Ghosts and Other Collected Shorts. C'est une de mes pièces préférées du palmarès anglophone en ce moment, et je dirais même du palmarès au complet. Juste avant, c'était Chad Van Gelen avec Willow Tree de l'album Soft Airplane. On a débuté ça avec Coup de Foudre, qui est l'album de la descente du coude, et c'était la pièce Rubies. On approche de la fin de cette édition d'Écoutons-la dans la chanson. On va aller s'entendre un autre bon bloc musical qui va commencer en fait avec un CD qu'on n'a pas encore entendu sur les ondes de C'est fou du tout, même pas dans le poste d'écoute. Donc c'est en primeur à Écoutons-la dans. On va l'entendre, le nouvel album des Risques du Plasmique. Hein? Mais oui, c'est ce Claude Giroux là qui nous envoie des CD une fois de temps en temps pour chaque occasion. Et celle-là, c'est pour évidemment pour les fêtes. Il s'appelle Programmé pour fêter. On va l'entendre la pièce titre à l'instant même. Écoutons-la dans la chanson. Ah, c'est fou 89 FM. Noël. qui Noël. Du Plasmic avec Shanky Noël de l'album Programmé pour fêter. Avant ça, c'était la pièce titre Programmé pour fêter. Petit bloc de Noël comme ça, hein. Tu sais, ça nous met presque dedans, tu sais. On n'est pas du tout trop de bonheur pour ça, selon moi. C'est bon. Que voulez-vous? Le 1er décembre s'en vient. Ça s'en vient. Donc, c'est déjà vraiment presque la fin. Il nous reste peut-être une ou deux pièces. On va entendre tout de suite, se dépêchant, Sebastian Granger, ou Sébastien Granger, hein, avec son maxi numérique American Names. Pourquoi maxi numérique? Parce que ça doit être seulement sur Internet. Et puis nous, on a reçu le CD parce qu'on est une station de la radio. Et on passe de la musique sur les ondes du FM. Il y a encore des gens qui écoutent ça. Voici American Names, tout de suite. Là. Écoutons-la donc. La chanson. Merci d'écouter le FM en passant. C'est très gentil d'en parler. I can see it. Sebastian Grainger avec la pièce titre de son maxi American Names. Écoutons-la donc, la chanson. C'est déjà la fin de l'émission. On se quitte pour une autre belle semaine remplie de bonne musique dans vos oreilles. Surtout si vous allez télécharger la balado-diffusion de l'émission sur www.unechance.com. Là-dessus, vous allez aussi retrouver toutes les pièces qui ont joué dans l'émission d'aujourd'hui. Il y en a eu beaucoup, hein, toujours. On se retrouve donc la semaine prochaine en direct les lundis à 10h. En rappel, les jeudis à partir de 9h. Je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Ça, c'est les vendredis matins à 10h. Et je vous retrouve aussi dans les palmarès C'est fou, un condensé de la meilleure musique que C'est fou à vous offrir. Ça, c'est les vendredis soirs à partir de 17h. Ce qui suit le lundi midi, hein, dans quelques minutes à peine, juste après les nouvelles, c'est, l'excellentissime Marc Périard et son émission Tête d'affiche qui vous renseignera sur le campus. Ils seront tous des têtes d'affiche, comme on dit. Hein? Tout le monde, même moi, je suis sûrement une tête d'affiche. Ce qui nous suit le jeudi, eh bien, dans une heure à peine, c'est Connaître ensemble l'émission sur la périnatalité. D'ici là, c'est la sécheuse. Bonne semaine, tout le monde. Bye bye. Hein, on se quitte sur Winter Gloves avec Let Me Drive. Bye. Bye.